tous sur le 96.2. Si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 16h. Pour 16h30 même. Hein. Carrément. Pour votre émission Groupe Tropical. Le faiseur du tube, de tube bien sûr sur le 96.2 pour commencer cette émission plein de soleil, des nouveautés bien sûr mais aussi des coups de cœur souvenirs. Moi je vous propose tout de suite de continuer comme ça avec Mademoiselle Kim, la jolie Mademoiselle Kim, et c'est mon tour. Sans perdre seconde, c'est toi. Non, 16h30 aujourd'hui, décidément, je ne suis pas là. si, vous inquiétez pas, je vous souhaite un très très bon après-midi en compagnie.

arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. que mama. Sur le 96.2. Tenez-vous bien parce qu'il y en aura d'autres comme ça tout à l'heure du live avec de très très bons morceaux. Je suis sûre que vous avez eu du mal à rester en place. En tout cas pour tous les amateurs de compas comme moi, eh ben ça fait du bien. Salut. 14h-16h30, votre émission Groove Tropical et c'est Chantal qui vous accompagne. Cheque mama mama, arc-en-ciel, arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur, en couleur.

soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Alors je viens de retrouver un ovarien qui se traduit par une baisse importante du nombre d'ovules avant l'âge de 40 ans et vous en faites malheureusement partie. Sachez qu'il existe néanmoins de nombreuses solutions thérapeutiques qui sont disponibles pour le traitement de la stérilité. Donc voilà, nous pourrions très bien envisager l'une d'entre elles pour votre couple. Je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt. Jusqu'à la fin. plein de me faire envie d'irait. Une fois sans battre qu'on est malgré tout. T'as une bad mon priorité. T'as une bad mes vies en premier. Whoa. I used to take you for granted. But what I really, really wanted is to see you by my side. Respecting love, I used to take you for granted. Oh, what I really, really wanted, it's to see you by my side. Gotta change, oh. Tell me, Bob, should we put them on? Tell me, Bob, should we put them on? Gotta change, oh. Only I see you feel. à cause de ma haine, tu le sais. J'ai envie de crier ma peine, mais tu n'es pas là. Tu me manques, dis-moi si c'est la même. Je t'aime au milieu de mon naufrage. J'ai besoin de ton appel, d'entendre ta voix. Mais t'es parti sans moi. Baby, toujours. cabane. Tout éclairé, nous l'a toujours collé serré. Au cas demain, c'est un grand jour pour nous. Chérie, est-ce que tu veux bien m'épouser? Ou qu'a gardé moi comme si c'était première fois. Incroyable mais vrai, moi l'aime, dis-moi encore. Pour moi c'est là que moi pas qu'à rêver, non. Des souvenirs comme ça avec Orlan, j'aime toujours autant ce titre. Superbe album, superbe titre, superbe chanteuse également, chanteuse de Zouk. Et puis bah, tout de suite pour commencer dans cette émission, moi, je vous propose, pour continuer dans cette émission, je vous propose un petit coup de cœur nostalgique pour tous les fans. Écoutez ça, je suis sûre que ça va vous rappeler plein de souvenirs. Miami n'a prêté. harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et tu connais quoi, elle veut me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en voûter. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort. Je t'envoie balader. Mais je t'avais dit que j'étais savage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes tiniques. Elle m'a dit baby, papi, pardon. Fais doucement, je pète les plombs. Y'a comme un hit. Et quand tu montes comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'est dès que je redescends. Elle me dit que c'est doux, elle a jamais d'amour. Elle est piquée, c'est pas compliqué. Bébé, pour toi y'a tout, pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais la dominer. Je sais pas pour qui tu m'as pris. J'ai capté la tactique, ram, bam, bam. Je crois bien que tu l'as senti. T'as loupé le coche de la gâchette. Ça fait ram, bam, bam. Toc, toc, toc. Mais qui va là? J'ai eu ma dose. Ça, qui va là? Tu t'approches, je m'éloigne. Et maintenant, t'es bien débile de me faire. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes timiniques. Elle m'a dit baby, papi, pardon. Fais doucement. Je fais des plombs. Y'a grand me hic. Et quand tu montes comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'est pas compliqué, bébé, pour toi y'a tout, pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais la dominer. J'ai changé la donne, je vais la dominer. Représenter, nos patries. Sans pas oublier Haïti, c'est là que j'ai dit moi dit. J'ai dit moi. Oh pas belle que tu Haïtien. Oh oh oh. La taille nous belle idée. J'ai dit moi. Oh oh oh. Oh pas mon dit que tu Haïtien. Oh oh oh. Pays nous belle idée. déjà. Si nous jouons, les dames, nous. finis par m'oublier. Je me doutais pas non qu'un jour tu pourrais débarquer. Jour et nuit tu es dans mes pensées. Je suis déboussolé par ton corps, ta beauté. Je me sens désarmé. Je suis déboussolé par ton corps, ta beauté. Je me sens désarmé. Je me sens perdu face à toi. Tu es si belle que parfois tu me sembles être irréel. Quand je vois tes yeux, je me sens fou, je suis amoureux. Je veux à tout prix être l'homme de ta vie. De nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vive une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui dis de ralentir, je ne suis pas Bob Marley. Quand on s'assure de nous, on pourra bombarder. Elle veut des petits cartes de crédit. Photos Snapchat, lundi. Elle est dans son délire, elle même quand y a le wifi. Tant qu'on nous voit heureux, ça lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sous les réseaux. On ne peut pas tout exposer sur nous, Elle est dans l'espace là-bas. Je veux que tout le monde sache que je suis son amour. Ses amas sont des clans de nous. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Et une vie de star un peu comme Bob Marley. Et tu de ralentir, je ne suis pas Bob Marley. On s'assure de nous, on pourra bombarder. que nous on pourra bombarder.

c'est pas la peine, nous casse tête. Non. Oh oh, Jou, il n'y a chance pas de nous profiter. Oh oh, moi caboussé, c'est parce que moi j'en ouais. 16h25 sur la FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter dans quelques petites minutes. C'était un bel hommage, en tout cas dédié à Jean-Philippe Martelly pour lui donner la force. C'était le titre Combit sur la 96.2 dans votre émission Groupe Tropical. Voilà. Avec tous les potes du jeune homme. Voilà, tout à fait ça. Je vous disais donc qu'il était presque 16h30 sur la FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure, même fréquence, même soleil, 14h, 16h30. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, un très très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye. cœur au-delà de la détente. Je promets de t'aimer, te garder à l'abri du temps. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.